L'Association générale des Coréens en Chine a adressé le discourant une lettre de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Voici le résumé de la lettre. Les scientifiques et techniciens de la patrie ont réussi à laisser d'explosion de l'ogive nucléaire à l'occasion du jour significatif marquant le 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée par le président Kim Il-sung. C'est un coup mortel aux États-Unis et à leurs suivistes qui menacent sévèrement la dignité et le droit à l'existence du pays et de la nation, tout en reniant la position stratégique de la Corée socialiste. C'est une grande démonstration de la volonté ultra-dure des militaires, civils et de toute la nation coréenne qui se sont déterminés à anéantir s'ils osent toucher notre République. Avec la confiance de réaliser à coup sûr une grande puissance réunifiée pec de sein sur ce sol grâce au maréchal Kim Jong-un, l'Association générale des Coréens en Chine deviendra l'organisation patriotique qui contribue particulièrement à la réunification de la patrie et au développement de la patrie mère. Finalement, elle a souhaité santé au maréchal Kim Jong-un.